Le pharaon Séti Ier doit-il démissionner? Beaucoup le demandent après ce qu'il s'est produit lors de la cérémonie d'adoration au dieu Ra, mercredi dernier. Lors de la remise des offrandes, le pharaon aurait en effet lâché un P. Et on a beau être fils du ciel, ça la fout toujours mal. D'autant plus que le nuage, loin de sentir le nénuphar, est allé incommoder les convives et a déconcentré le grand prêtre qui effectuait un triple lutz et qui s'est mal réceptionné sur un vase canope. Les Égyptiens semblent n'apprendre qu'aujourd'hui que leur pharaon n'est qu'un homme et un tout petit homme. Ça va leur faire un choc de savoir qu'il fait caca comme eux et qu'il lui arrive d'avoir des points noirs. Pour sa défense, le pharaon a déclaré que bouffer du papyrus à longueur de journée lui avait foutu le bide en vrac, mais cela risque de ne pas suffire. La construction de sa pyramide a été interrompue et des groupes de protestation réclament la mise en place d'une monarchie constitutionnelle, voire d'une république. En attendant, face à une situation devenue critique et qu'il ne contrôle plus du tout, le pharaon coince la bulle.